Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 30 janvier 1933. Eh oui, ça c'est une date que tout le monde connaît plus ou moins. C'est le jour où Adolf Hitler est devenu chancelier d'Allemagne. C'est le président de la République de Weimar, le maréchal von Hindenburg, qui demande au chef du parti national-socialiste de former le nouveau gouvernement. Mais pourquoi choisit-il Hitler ? Oh ben, il choisit, disons qu'il n'avait pas vraiment le choix. À titre personnel, le vieux maréchal n'aime pas ce personnage agité, colérique. Seulement, Hitler a été porté par la crise de 1929, c'est que son parti enregistré de très bons scores aux élections. Alors, ce n'est pas la seule raison. Hein. Les scores commençaient d'ailleurs à se tasser un peu. Seulement, Hitler représente aussi un rempart contre le communisme. Ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'était la grande peur de l'époque. Ce paramètre explique pourquoi des industriels, de toutes sortes de grands noms de l'époque, comme l'ancien chancelier von Papen, ont pris parti pour Hitler et ont enjoint Hindenburg de faire appel à lui. Et sous la pression, eh bien, Hindenburg a cédé. Et il a donc nommé Hitler chancelier. C'est donc lui qui forme un nouveau gouvernement. Un gouvernement nazi eh bien déjà ? Non, justement, pas tout à fait. Il nomme évidemment ses hommes au poste clé. Göring est ministre de l'air, Wilhelm Frick est ministre de l'intérieur. Mais le reste des portefeuilles est distribué assez intelligemment à la droite conservatrice classique. C'est un gouvernement de redressement national, selon le terme employé par Hitler, censé sortir l'Allemagne de la crise. Le soir même dans Berlin, les SA, vous savez, les sinistres sections d'assaut, le service d'ordre du parti nazi, défilent dans les rues. C'est une impressionnante démonstration de force et qui va donner le ton, puisque 2 ans plus tard, Hitler, là cette fois, prendra tous les pouvoirs, si je puis dire, et ce sera le début de sa dictature. On vous retrouve tout à l'heure, Franck, 14h sur Europe 1. Ah oui, nous irons jouer les petites souris chez les précieuses du grand siècle.